Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars 2015 et nous fêtons les Casimirs. L'occasion pour moi de vous chanter cette comptine apprise lors d'un camp de canoë sur les rives du Blavet. Voici venu le temps des pipes dans les champs, des sucettes au gland qui font monter le jublant. Bref, le 4 mars 1861 changea la face du monde, car c'est ce jour-là qu'eut lieu l'investiture du 16e président des États-Unis et premier républicain à ce poste, Abraham Lincoln, participant ainsi à la superbe du Nouveau Monde. Alors, que se serait-il passé si c'était le démocrate du Sud, John Breckinridge, qui avait remporté les élections? Dans un premier temps, il n'y aurait jamais eu de guerre de sécession et l'esclavage n'aurait jamais été aboli. Cette situation perdurant, la quantité d'esclaves d'origine africaine trouvant la mort dans des conditions de travail abominables n'aurait cessé d'augmenter, et ainsi il n'y aurait pas 13% de noirs aux États-Unis aujourd'hui, mais à peine 1%. Les équipes de basket seraient donc beaucoup moins bonnes, la taille moyenne des sexes masculins serait beaucoup plus faible, et les messes beaucoup moins enjouées, faisant ainsi du Nouveau Monde qu'une pâle copie du vieux continent. Rendez-vous demain pour une nouvelle Uchronique. Que se serait-il passé un 5 mars ?